L'actualité à Nancy et ailleurs. Manon Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Libertel. Le 9 juin, votre association organise une conférence sur les violences conjugales, quelles limites au secret médical. L'occasion de refaire un coup de projecteur sur votre association, c'est en 2010 que vous l'aviez créée. Oui, c'est ça. Rappelez-nous un peu le rôle de cette association Libertel. L'association Libertel, son but, c'est de défendre les droits de toutes les femmes, particulièrement subissant des violences conjugales ou toute autre violence. Et nous avons également comme but la lutte pour l'égalité des sexes. Dans ce cadre-là, nous organisons plusieurs choses au sein de nos locaux, des ateliers de français langue étrangère, des groupes de parole pour les femmes victimes de violences, et nous organisons également des interventions en milieu scolaire ou social sur le thème du genre, de l'égalité et de la sexualité. Vous êtes installé où, plus précisément ? On est installé au 36 rue Jules Ferry, à L'Axou. À L'Axou, voilà, 36 rue Jules Ferry, et vous intervenez régulièrement en extérieur. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de l'association Libertel ? On est 35 bénévoles au sein de l'association. 35 bénévoles aujourd'hui, et vous avez donc régulièrement aussi des personnes extérieures qui viennent participer, des professionnels ? Oui, oui, oui. Alors, par exemple, là, dans le cadre de notre première université d'été, on a donc le 9 juin cette conférence qui sera animée par le docteur Élodie Marchand, qui est la chef de service de la médecine légale du CHRU de Nancy. Et pour la première conférence, nous avions accueilli un enseignant-chercheur de l'Université de Lorraine sur le thème de l'intelligence artificielle. Et après, on a d'autres intervenants qui viennent pour des activités socio-culturelles pour les femmes, comme des profs de yoga ou des musiciens. Voilà, on a toutes sortes de profils qui nous accompagnent dans nos démarches. Alors, ce rendez-vous du 9 juin, il est sur cette thématique, violence conjugale, quelle limite au secret médical ? Pourquoi cette question plus précisément aujourd'hui ? Parce qu'on voit émerger depuis plusieurs années la question des violences avec l'émergence du hashtag MeToo. Mmh. Et c'est vrai que les soignants, les médecins, le corps médical en général est souvent en première ligne face à ces femmes qu'ils rencontrent. Après, voilà, il y a le corps médical, j'inclus les médecins, les infirmières, et évidemment, il y a le corps médico-social, évidemment, avec les assistantes sociales et tout ce qui gravite autour. Donc je pense que ça, ce sont des acteurs de première ligne qui sont là pour tirer la sonnette d'alarme. Cette thématique sera traitée, vous l'avez dit, avec le docteur Élodie Marchand qui sera présente. Et cette conférence, elle est en présentiel, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est le 9 juin à partir de 20h. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour y participer ? Non, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Voilà, c'est salle Louis Pergaud à L'Axou à partir de 20h. Voilà. Et c'est une deuxième conférence, vous l'avez dit. D'autres rendez-vous sont à venir ? Oui, nous avons une dernière conférence qui clôturera notre université d'été, qui se tiendra le 23 juin, avec également une enseignante-chercheuse de l'Université de Lorraine sur le thème de l'hypersexualisation de la femme dans la publicité, fantasme masculin, point d'interrogation. Donc ça, ce sera pour la dernière conférence. La première a eu lieu quand ? La première a eu lieu le 26 mai. Le 26 mai, comment ça s'est passé ? On a fait un YouTube Live et au regard de nos compétences techniques, on a décidé de faire ça en présentiel. Et nous avons obtenu l'autorisation de la mairie de L'Axou pour faire ça en présentiel. Voilà. Ce sera beaucoup plus convivial en tout cas, même pour parler de sujets aussi graves. Alors on peut peut-être aussi rappeler, vous aviez mis en place en début d'année un numéro vert aussi pendant la période de confinement. Il est toujours accessible ? Oui, il est toujours accessible et maintenant nous avons un numéro de téléphone fixe également où nous sommes joignables. Voilà, le numéro vert, je le redonne, c'est le 0805 031 974, oui. Qu'on retrouvera bien sûr sur le site de la radio. Et vous êtes aussi, bien entendu, présent sur Internet, notamment une page Facebook pour vous suivre. Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Libertel. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous, en tout cas. L'actualité annoncée ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.